poste d'écoute.

her to a window, gestured with a plate in hand. She said, let's go, LA, she cried. The Hubbard rides for free. Yo-ho. Yo-ho. Yo-ho. Yo-ho. Gotta change.

parle de wack, quand les wacks c'est eux. Y'a pas me dire que t'es nul, qu'est-ce que tu prends pour Dieu. Les quand t'as joué, les quand ton chapeau avec des shirts, avec des shirts, rien par la gueule que tu joues. J'ai dit que le bling c'est une chaîne. To exist in the sound and use in vain my space. You're living in the 90s if you had publicity. You take a back.